éternel soit sur nous. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. Que la crainte de l'éternel soit sur nous. Et que la crainte de l'éternel soit sur nous. Je vais sur mes appuis. Que la crainte de l'éternel soit sur nous, c'est sur Dynamique FM tous les mercredis à partir de 21h. Messieurs et dames, c'est interactif et on est ensemble jusqu'à 21h50. Voici une chanson et on se retrouve bien après. Sûr et certain, le Seigneur reviendra au fond de sa voix. Les morts en Christ ressusciteront. Tous ensemble vers lui, nous irons dans la joie. Tous en même instant, nous serons changés. Ensemble, nous serons changés pour les noces de l'agneau, nous serons enlevés pour les noces de l'agneau. C'est un chant que nous propose le groupe JSB, Jésus source de bénédiction, des chansons que vous pouvez retrouver sur le site www.musiquedevie.com sur internet à télécharger gratuitement. Évangéliste, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM encore ce soir. Le chant qu'on écoute nous parle des personnes qui sont enlevées. Il s'agit de qui? Il s'agit des l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas tout le monde, c'est les membres du corps de Christ dont on va examiner encore ce soir. J'appelle, messieurs et dames, que l'émission est interactive. Donc, vous pouvez appeler pour poser des questions ou encore même pour intervenir. Les contacts sont les 671 34 54 14, 691 60 02 84. L'émission porte sur la crainte entière. Ce soir, on va parler de l'église évangéliste. Exactement. Nous allons essayer d'examiner la semaine dernière, par la grâce du Seigneur, nous avons parlé de l'homosexualité en général et en particulier en milieu de l'église. Mais nous allons y revenir en profondeur parce qu'il y a beaucoup d'épilogues à faire là-dessus. D'accord. Mais aujourd'hui, nous allons avancer sur un autre volet. Nous allons toucher l'église. Je ne sais pas combien d'émissions pourra durer. Parce qu'en réalité, voici même là où la fondation de toutes les doctrines de l'apostasie sont entrées. Donc, lorsque nous allons voir ici, nous allons voir la cartographie de l'église telle que donnée dans la Bible. Et à la lumière de ce que nous voyons sur le paysage religieux aujourd'hui, nous allons voir si c'est ce que la Bible en dit. Et maintenant, les uns et les autres à la maison qui m'écoutent maintenant auront fort à faire avec la Bible ce soir. La question a aussi été posée à des personnes dans la rue. On va écouter le Vox Pop et tout de suite après, on se retrouve. I am Bernadette. Church, for me, I think that church is your body, which means your body is the temple of the Lord. So that's church. Because I remember in the word of God, Jesus says, I will build my temple, and he will build your temple where? He says he will build your temple in your body. So church, mon nom c'est Lydia. Église pour moi, c'est la maison de Dieu que les chrétiens parlent là-bas pour faire la prière. Moi, je m'appelle Gaëlle Camogne. Pour moi, l'église, c'est le corps du Christ. Un lieu de rencontre, les chrétiens pour l'adoration, pour l'exhortation et pour plusieurs autres choses. Et pour les prières, Le raisin. Oui, je vais souvent à l'église protestante. Bon, Dieu est partout, hein. Dans toutes les églises, dans les maisons, Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc, il est partout. Et nous-mêmes, ça sera pas. Que tu sois catholique, musulman, c'est le Dieu, le vrai Dieu, il est partout. Et bonjour, moi c'est Joseph. Je pense que l'église, c'est un lieu là où des individus se réunissent pour prier, le Seigneur qui partage généralement la même vision, non? Pour lire la Bible et la partager ensemble, selon leur pensée, selon leur philosophie et de croyances bibliques. Et quand j'ai l'occasion, Yves, papa, je pense que le Seigneur se retrouve dans toutes les églises. Et comme moi, dans moi, j'ai grandi catholique, mes parents étaient protestants. Donc, quand j'ai l'occasion, si l'église est catholique plus proche de chez moi, moi j'y vais. Si c'est une église évangélique, j'y vais également. Je n'aime pas trop les changements. Donc, on me dit, oh, tel, quand je vais, c'est pour prier. Et je ne veux pas aller maintenant embrasser une nouvelle église parce que je me dis, toutes les églises, généralement, sont bien. Si vous êtes là pour prier, ça va aller. Si les gens font n'importe quoi, même quelle chanson, on va te définir l'église, parfait n'importe comment, mais à l'intérieur, si les gens ne sont pas, ça ne peut rien donner. Donc pour ma part, je vais à l'église, c'est pour prier, simplement. Pour moi, l'église est l'entendre de toutes les personnes qui croient en l'intention de Dieu et qui croient également que ce Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Tous ceux qui croient en tout ce que je viens d'expliquer, on suit l'église de Dieu. Pour moi, il n'y a pas une multitude d'églises, d'ailleurs, il y a plutôt une de religion. Ah, parce que les religions sont des groupements d'hommes qui ont pris la Bible, on l'a étudié, ils ont analysé de leur manière, ont donné une dénomination, ce qu'ils donnent de la religion, ce n'est pas l'Église. Donc dans toutes les religions, il y a des personnes qui ont choisi, qui croient effectivement à l'existence de Dieu et en Jésus, qui constituent l'Église. Donc l'Église est constituée de toutes ces personnes qui sont dans ces religions et qui croient effectivement que Dieu existe, il a envoyé son Fils. Voilà l'Église. Dans les morts. Ils ne font pas partie de l'Église. Oui, mais pas en Christ. L'Église, mais à partir du Christ. Avant que Christ n'avait pas d'église. Moi, c'est Crespo et moi. Pour moi, l'église est la maison de Dieu. Si entrer dans les états, je dirais que c'est une des grandes maisons pour les êtres humains. Tout ce que c'est une façon de se rassembler pour louer le Seigneur, peut-être faire des prières collectives. Parce que étant tout seul dans une maison, on ne peut pas faire une prière collective. On est arrivé dans une église, on arrive à faire une prière collective. On a trouvé une prière. Voilà, avant tout, messieurs et dames, je rappelle les contacts pour avoir accès à l'émission, que ce soit par appel direct ou SMS, 671-34-54-14, 691-60-02-84. Évangéliste Élie Bertrand, vous avez écouté de bout en bout les avis et les points de vue des uns et des autres dans la rue. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors maintenant, c'est à l'issue de ces vox pop, nous constatons effectivement, et c'est ce que la Bible dit, que nous sommes dans l'apostasie et la majorité de ceux qui ont parlé, sinon 90% de ceux qui ont parlé, ont raté ce qu'on appelle Église. D'où la nécessité de parler cela ce soir. Tous ceux qui ont parlé là-bas, il n'y a que quelques 3 ou 4 qui ont donné effectivement dans le sens étymologie tel que la Bible dit. Mm-hmm. C'est pour cela que nous allons aller dans la Bible et voir ce que la Bible appelle par Église. Remarquons bien que beaucoup ont fait naufrage justement dans ces vox pop et ce n'est pas eux le problème, c'est les pasteurs. Ce sont des pasteurs qui ont fait ces choses-là. D'accord. Et les pasteurs eux-mêmes ne sont pas les vrais porteurs de cette apostasie. Ils sont tout simplement victimes parce qu'on les a formatés dans les écoles, les brigades de formation de fous appelées les écoles bibliques. Mm-hmm. Donc toute cette perversion spirituelle vient de là. Alors le torrent de la destruction de la mondanité a soufflé comme ça et cartographié l'église en tordant cela à la maison physique qu'on appelle bâtiment ou chapelle aujourd'hui. Donc nous allons voir dans la Bible ce que la Bible appelle par église. Ce n'est que la Bible qui définit ce que Dieu voudrait dire par église. Donc vous voulez dire, évangéliste, que nous avons au travers de ce vox pop une définition falsifiée de l'église. Falsifiée de l'église. Par exemple, lorsque nous entendons une auditrice, et c'est ce qui se passe chaque jour, vous entendez quelqu'un dire « je m'en vais à l'église ». Ce n'est pas possible d'aller à l'église parce qu'en réalité, dans cette définition-là, l'église serait un lieu où les gens iraient se rassembler. Je crois que l'un des intervenants a dit « je m'en vais à l'église de temps en temps, l'église, je suis dans l'église protestante, je ne veux pas aller dans une nouvelle église mm-hmm. ». Et l'autre a affirmé que Dieu est partout dans toutes les églises. Voilà autant de choses qui montrent clairement qu'il y a un problème au milieu de l'église, effectivement. Donc regardons directement dans la Bible, si tu le permets, à moins que tu y aies... Avant tout, j'aimerais dire bonsoir une fois de plus à tous ceux qui viennent de prendre le train en cours. Rappelez-vous, l'émission, c'est que la crainte de l'Éternel ou encore que la crainte du Seigneur soit sur nous. C'est tous les mercredis. C'est vrai qu'à partir de la semaine sur prochaine, on va décaler d'un jour, donc on sera plutôt jeudi à partir de 21h. Et vous, rappelez-vous que vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour intervenir ou poser des questions qui seront répondues directement à l'antenne. Voilà. Donc, nous profitons pour saluer tous ceux qui nous écoutent au travers d'Internet et à tous ceux qui ne peuvent pas participer chaque soir à cette émission, mais qui l'écoutent en différé. Nous prenons la définition des, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, il y en a plusieurs définitions. Mm-hmm. D'abord, étymologiquement, le mot église que nous rendons en français par le mot que nous rendons en français par église et en anglais par church. Oui. Lorsqu'on entend church ou bien église, ça vient du mot deux mots grecs ecclésias, qui veut dire ecclésia, c'est-à-dire que appeler hors de. Mm-hmm. Appeler hors de. Vous voyez, la simple définition étymologique met hors d'état de nuit toutes les constructions. Appelé ordre, ça veut dire que ce sont des êtres humains qu'on a appelé ordre. Maintenant, allons dans la définition biblique de la chose et voyons ce que Dieu dit dans Éphésiens. Donc, ce sont ceux qui sont appelés ordre qui constituent l'église. Ordre qui constitue l'église. C'est ce qu'on va voir là-bas et c'est la seule définition que la Bible met en clair. Donc, au fur et à mesure que nous allons continuer, après avoir défini cela, nous allons voir tout, nous allons montrer effectivement là où le mal est entré et pourquoi les gens ont commencé à confondre cela. D'accord. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Puisque tout à l'heure, vous m'avez posé la question, qui sera enlevé? Ici, on parle de cet enlèvement-là au verset 28 et suivant. Verset 22. Femmes, soyez soumises. Je suis dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Mm-hmm. Alors maintenant, qui est son corps et dont il est le sauveur? Mm-hmm. Le verset 23 d'Éphésiens chapitre 5 nous donne la définition claire de l'Église. D'abord, on utilise une comparaison ici entre le mari et la femme, et puis Christ et l'Église. D'accord. Donc, dans ce syllogisme, c'est dans cette comparaison, le mari se référerait à Christ, et puis la femme se référerait à l'Église. Oui. Alors maintenant, on ne peut pas comparer un être humain avec un objet. Mm-hmm. Donc, si l'Église avait été un objet, on dirait clairement un objet, on compare un objet avec un objet, on peut comparer un fruit avec du gâteau. D'accord. Donc ici, on dit, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc, ça veut dire que le mari est pour la femme, c'est que Christ est pour l'Église. Pour l'Église. Alors maintenant, si comme la femme est un être ici, alors l'Église, nécessairement, c'est un être. Et dans cette même continuation-là, nous voyons, on dit, Christ est comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Oui. Donc, dans cette définition, on comprend que l'Église est le corps de Christ. On dit, et dont il est le sauveur. D'accord. Donc, deux choses sont dites ici, deux notions sont données ici. On dit, un, l'Église est le corps de Christ. Donc, le corps de Christ ne saurait être des bâtiments, des planches peintes en papier ou ouais, climatisées. Voilà, ici on dit, l'Église est son corps et dont il est le sauveur. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, est le sauveur de l'Église. Question, pour qui Jésus-Christ est-il mort à la croix? Aux catholiques, aux protestants, pentecôtistes? Non. Mais il est mort pour son Église. D'accord. L'Église, donc, est tout ce pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort, dont il est le sauveur. Mm-hmm. Si nous lisons Jean au chapitre 10, au verset 10 et suivant, où il avait dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas des sept bergeries. Mm-hmm. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, il parlait de la mission futuriste que les apôtres devaient prêcher jusqu'à aujourd'hui pour que les brebis y entrent dans l'enclos. Et tout l'enclos-là, toute la constitution totale des membres, depuis les premiers apôtres, les premiers chrétiens jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne, est appelé dans l'Église, ce qu'on appelle le corps de Christ, dans le corps, ce pour qui Jésus-Christ est mort. Donc ici, on dit verset 23 de Éphésiens chapitre 5, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mm-hmm. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. Donc, quand on parle de soumission, ça veut dire une volonté. Oui. Donc, les personnes qui ont des volontés, ce sont des êtres qui ont des volontés. Les bâtiments n'ont pas de volonté. Les cathédrales n'ont pas de volonté. Donc, lorsque on voit effectivement déjà écrit sur une cathédrale, un lieu appelé cathédrale, église catholique, église réveillée, église Jésus-Christ revient bientôt, vraie église de Dieu, église Jésus-Christ est le même lieu aujourd'hui, tout ça c'est faux. C'est anti-biblique, c'est anti-scripturel, ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi vous allez effectivement voir que ce sont les plaques publicitaires, comme quelqu'un dirait que mon église est située à tel endroit. Mm-hmm. Donc, les gens ne comprennent pas que l'église en rien. Ce sont des êtres. Et la première mention de l'église, du mot église, ecclésia dans la Bible, c'est souvent dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 16, où le Seigneur Jésus-Christ demandera à ses apôtres, que disent les gens de moi? Les uns vont dire, l'autre dit que tu es Jérémie, l'autre dit que tu es les anciens prophètes. Il dit, vous êtes qui? Vous pensez que je suis qui? Il dit, l'apôtre Pierre a parlé que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec ce que les catholiques ont fait, parce que Jésus ne bâtit pas l'église sur les eaux de mort. Donc, ce n'est pas disons, ça dont il est question. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Vous voyez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, dernièrement, ici au Cameroun, il y avait une certaine chose dans tout le pays où on disait qu'on fermait les églises. C'est pas possible qu'on ferme les églises parce que l'église de Dieu est imbattable. Il a promis dans ces versets-là que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, au courant de l'histoire de l'église, après la mort des apôtres, à partir des 105, on va commencer, les doctrines vont commencer à avancer. On va avancer dans ces doctrines-là. Et c'est là où on est sorti avec ce qu'on appelle les dénominations aujourd'hui. Donc, dans la Bible, Éphésiens chapitre 5 nous met hors d'état de nuit le fait que l'église soit un bâtiment ou bien un lieu de culte. Donc, oui. L'église, que les auditeurs, les chrétiens à la maison sachent que l'église, ce n'est pas un lieu. On ne dit pas « je m'en vais à l'église ». parce que l'église est constituée de ceux qui sont sauvés. Ah, d'accord, donc vous avez dit que l'église est un corps. Maintenant, comment se présente dans ce corps? Maintenant, avant d'avancer dans ce domaine-là, regardons bien ce que c'est que ce corps-là, justement, ou bien comment faire partie de ce corps-là. D'accord. Parce qu'il y a deux notions. Parce qu'on nous a défini l'église ici comme étant le corps de Christ. Oui. Alors maintenant, et on dit donc que c'est l'ensemble qui est constitué. Lisons donc dans l'Ude, 1 Corinthiens au chapitre 12. Messieurs et dames, vous qui êtes à l'écoute, je rappelle que vous pouvez appeler ou envoyer des messages pour poser des questions au travers du 6 71 54 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. On est ensemble jusqu'à 21h50. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13 nous dit: nous avons tous en effet été, il dit non, nous c'est pas pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont les chrétiens authentiques. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ah, d'accord. Donc la façon dont on entre dans le corps, dans ce corps, dans l'église, on ne va pas à pied. Qui est-ce qui parle là-bas? C'est l'apôtre Paul, le Saint-Esprit qui parle au travers de l'apôtre Paul pour mettre en exergue la constitution, le rôle et la façon d'entrer dans le corps. D'accord. Donc le Saint-Esprit dit ici, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour, le but pour lequel on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour former un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Ce corps, donc, c'est le corps dont on appelle le corps de Christ, donc l'église. Mm-hmm. Donc, on entre dans l'église, ou bien on devient membre du corps, de ce corps-là. On devient membre de ce corps par le baptême de l'Esprit. Donc, on ne va pas là-bas par naissance. Il y a des gens qui disent que je suis né catholique, mon père était catéchiste, mon père fut prêtre, ainsi de suite, des bêtises comme ça. On ne devient pas catholique comme ça, on ne devient pas membre du corps comme ça. En fait, les religions, comme quelqu'un a dit ici, que les églises, comme on voit aujourd'hui, ce sont des entreprises religieuses, c'est exactement vrai. Parce que la façon, le corps de Christ dans la Bible n'est pas comme ça. Il y a un autre qui a dit que Dieu est partout. Dieu ne se trouve pas partout. Ce n'est pas comme ça. La façon de Dieu d'agir de l'église, quand en s'agissant de l'église, Dieu marche au milieu de l'église. Dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur Jésus se présente là-bas comme celui qui tient les sept chandeliers en dedans de ses mains. Donc, et les sept chandeliers sont les églises des différentes époques. Et ils ont dit qu'il marche au milieu de l'église. Donc, il marche au milieu de l'église, il ne marche pas au milieu de la mosquée. Mm-hmm. Il marche au milieu des dénominations, il marche au milieu de l'église. C'est-à-dire que, comme 1 Corinthiens chapitre 3 le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit habite dans le cœur humain, dans le corps des êtres humains qui sont régénérés. On entre donc dans l'église par la nouvelle naissance, ce que la Bible appelle par nouvelle naissance. On ne vient pas là-bas en signant des cartes. Donc, si quelqu'un m'écoute maintenant, il a une carte de baptême où on l'a baptisé, on a versé le sur sa tête en disant qu'il a été baptisé, confirmé. Non, il n'appartient pas à Jésus-Christ, Jésus ne le connaît pas. On t'a trompé. Si tu as les cartes des dîmes, tu crois que ton nom est mis sur un registre et tu peux appartenir au corps de Christ, on t'a trompé. On vient au corps de Christ. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc nous voyons effectivement que chaque individu, entre de cette façon-ci, est membre de ce corps-là. Donc la Bible déclare donc que chaque individu est membre du corps de Christ. Et tous les membres du corps de Christ sont baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas son esprit, Romains 8 nous dit, il ne lui appartient pas. Donc il y a des prêtres, les papes, les modérateurs, les archibishops dont Jésus-Christ ne connaît pas, qui utilisent le nom de Jésus-Christ comme un spot, comme un marque de publicité pour pouvoir faire de l'argent. Mm-hmm. Donc, ils utilisent le comme un marque déposée pour avoir de l'argent. Jésus-Christ est devenu comme un système de marketing. Jésus-Christ est devenu donc la marque déposée des différentes dénominations. Alors, vous pouvez voir maintenant, on vend le salut, on vend l'onction, on vend la guérison, ainsi de suite, et les choses qui sont achetées, c'est Satan. Donc, en clair, l'église, c'est le corps de Christ. Il y a pas une seule trace dans la Bible de l'église comme étant un lieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, l'apôtre Paul va dire à partir du verset 20 que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il ne point servi par les mains humaines comme s'il ait besoin de quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc dans la suite du temps, ici nous allons voir effectivement le cadre, on va définir le cadre, comment l'église fonctionnait dans le Nouveau Testament, et Dieu va, tôt ou tard, on va seulement y revenir. Donc, en clair, pour l'entrée de la chose d'entrée maintenant, l'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un lieu. Donc, si vous m'écoutez maintenant, vous êtes pasteur, vous avez écrit quelque part église D. Satan vous a trompé. Le prince de la puissance de l'air vous a inspiré, vous a donné une vision. Constatez aujourd'hui que chaque pasteur va sur un verset biblique, par un verset biblique, et dit « Dieu m'a donné cette vision ». Ils oublient que Satan donne les visions. Ils oublient que Satan donne les visions. Or, personne n'est jamais rentré dans le cadre de l'église pour voir comment le modèle a été placé. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3 qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et quelqu'un bâtit dessus, que chacun prenne garde car aucun autre fondement ne peut être posé. Donc nous voyons effectivement le fonctionnement des apôtres dans la Bible jusqu'à ce que la Bible finisse. Nous voyons un modèle de l'Église. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule trace de dénomination dans la Bible. Aujourd'hui, vous entendez Église des, Église des rachetés, Église des sauvés, Église des nés de nouveau, Église catholique, Église baptiste, et tout ceci n'est pas dans la Bible. Vous lisez la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher le Saint-Esprit quelque part. Le Saint-Esprit doit se retrouver en nous et n'appartient au corps de Christ. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient enseignés. Si quelqu'un ne sait pas que l'Église, c'est il fait partie de l'Église, ça veut dire que ce n'est pas un lieu de rassemblement. L'Église n'est pas un lieu de rassemblement, c'est un individu qui devient membre, puis un autre membre, puis un autre membre. L'ensemble des membres est appelé dans la Bible Église. Mais aujourd'hui, on nous a trompé et les pasteurs sont au courant de ça. Ils savent très bien, les prêtres sont au courant. Tous ils savent exactement que ce qu'ils font est faux. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens lisent la Bible. Et les gens aussi ont remis la Bible entre les mains des pasteurs. Et ils passent le temps à tromper les gens. Mais Jésus-Christ est vivant. Il va frapper. Il va frapper. Dans la Bible, il a montré le modèle. Il a dit, avant, il y avait des apôtres, des faux prophètes. Au delà même, il y aura des faux enseignants qui entreront de sectes pernicieuses et qui, régnant les meurtres qui les ont rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront dans leur égarement, dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, on entend les pasteurs coucher avec des jeunes filles, les pasteurs pédophiles, les pasteurs homosexuels. La semaine dernière, nous parlions de l'homosexualité. C'est les pasteurs, l'Église unie de France qui a commencé à célébrer l'homosexualité en France, dans New Jersey. L'Église en train de célébrer en pleine homosexualité. Deux pasteurs homosexuels en train de célébrer le culte. Et ça ne dit rien à personne. Et la Bible déclare que c'est une abomination devant le Seigneur. Voilà là où l'abomination est en train d'aller, parce qu'on a changé d'abord la terminologie et l'étymologie même du mot dont la Bible appelle Église. Merci, Évangile. Liste 671-34-54-14, 691-60-02-84. Évangéliste, vous avez défini l'Église comme étant un corps et non un lieu. Oui. Maintenant, que dire de ceux qui cherchent à aller à l'Église? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas deux façons d'entrer dans l'Église comme la Bible déclare. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 que nous avons lu, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour baptiser dans un seul esprit pour former l'Église. Donc, on ne devient pas Église avec, en signant un acte, une carte. Ce sont des gabégies humaines. Dieu ne connaît pas cela. Il y a des gens, quand vous les interrogez, vous ont dit que je suis né catholique, je vais mourir catholique. Il ferait mieux de mourir catholique. Mais la façon d'entrer dans l'Église du Dieu de la Bible, il faut qu'on le dise la vérité. La façon d'entrer dans la Bible, dans l'Église de la Bible, c'est par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas une fabrication humaine. Ce n'est pas un pasteur qui fait que quelqu'un naisse de nouveau. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, à partir du verset 11 et suivant, qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Elle est mise pour la parole. Elle est mise pour la parole et la parole a été faite chez donc la manifestation de la parole de Dieu. Donc il dit, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Donc la nouvelle naissance n'est pas comme la naissance où le père et la mère vont intervenir. Non, non, non, non, non. Si ton père est catholique, ta mère est catholique, tu n'es pas catholique. En fait, tu peux être catholique, mais de l'Église de Dieu, ce n'est pas comme ça. D'accord. Donc ça dit que si tu es un fils de pasteur, ton père est pasteur, ta mère est pasteur, déjà que leur cas est déjà réglé ici, tu ne deviens pas, on n'est pas chrétien. C'est pas comme ça. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle qui vient d'en haut. Dieu qui accorde le Saint-Esprit. On ne peut pas forcer cela. Donc, quelqu'un ne peut pas décider de venir à l'Église. Ce n'est pas possible. Il peut décider d'entrer dans les institutions. Il peut décider d'aller adhérer dans une dénomination. D'autres personnes, parce qu'ils ont des maladies, essaient de chercher là où on peut prier. On prie, ils adhèrent là-bas en croyant que le fait qu'ils ont eu de la grâce de Dieu fait qu'ils soient dans le corps de Christ. Il faut que les pasteurs se répandent parce qu'on devient chrétien par la nouvelle naissance. Et là, beaucoup de pasteurs qui m'écoutent maintenant, beaucoup de prêtres, enfin, les prêtres ne sont pas nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau par la bouche, ils peuvent réciter la Bible. La récitation de la Bible, l'étude théologique ou bien n'importe quoi ne peut pas faire que quelqu'un naisse de nouveau. Ça doit être la nouvelle naissance. Ça doit être la nouvelle naissance. Si ton père est catholique, ta mère est catéchiste, ça ne change absolument rien. Que tu donnes les aumônes, tu aies construit les bâtiments, extampillé église, acheté des chaises, ça ne sert absolument à rien. Il faut naître de nouveau. C'est la seule façon d'entrer dans l'Église. Il n'y a pas de façon. Merci à tous ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. L'émission finit à 21h50 et c'est un programme chrétien à thématique chrétienne interactif. Donc vous pouvez appeler pour poser des questions au 671-34-54-14, 691-60-02-84. Je reviens à vous, évangéliste Elie Bertrand Tchabdam. Oui. Tous ceux qui ont intervenu, qui ont donné des points de vue et des avis dans le Vox Pop, oui. Que dire à ces personnes? Parce qu'ils sont sûrs d'être de suivre Dieu. Oui. Est-ce qu'il est possible de trouver Dieu quelque part? La chose devient avant de continuer avec la question, je salue particulièrement tous les dirigeants des Dynamis FM qui donnent l'opportunité à ce qu'on puisse bénit le peuple de Dieu et choisi et amené la lumière aux extrémités de la terre. Que Dieu le bénisse et bénisse tous ces radios et bénisse tous ceux qui ouvrent la voie de Dieu ou la voie à la bonne nouvelle ainsi. Donc, comme dans cette voice vous avez noté, vous voyez effectivement que ça montre que beaucoup de personnes ne connaissent même pas la vérité. Et d'autres maintenant, l'autre paire de mains, ce sera de faire comprendre aux gens qui sont dans la fausseté. Et là encore, ce n'est pas une œuvre humaine. L'homme est comme un instrument tout simplement, mais l'agent vecteur véritablement de cette vérité, c'est le Saint-Esprit portant la parole de vous pour pénétrer les cœurs. Donc, remarquez bien, voici la Bible que nous avons au devant de nous. Si vous aviez un pasteur devant vous, même les pasteurs, je dis les pasteurs qui disent, un pasteur peut bien définir l'église comme étant le corps de Christ. Mais il dira dans sa prédication en venant ici à l'église, balayer l'église, ranger les chaises de l'église, essuyer les chaises de l'église. Non, mais c'est terrible. Comment comprendre ce type de choses? C'est parce que tout simplement, lui-même n'est pas régénéré. Vous voyez, on a hérité beaucoup de choses. C'est pour ça que cette émission, que la crainte de l'Éternel s'empare de nous, c'est pour que les gens puissent se réveiller et revenir à la parole. Le fait qu'on a négligé la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quoi pour acquis, et les gens n'ont pas examiné ce qui est dans la Bible pour voir si ce qui sont des faits est biblique. C'est pour ça que nous sommes là, afin que chacun, quand il écoute une expression, qu'il sache si oui ou non, c'est dans la ligne droite avec la parole du Seigneur. Donc vous voyez, voir, déjà quand un pasteur va se faire former à l'école biblique, c'est déjà un problème. Il va être infesté de tout poison et tout torrent de mondanité là-bas. Voilà pourquoi il sort et il réplique ces choses-là. Donc il va bien donner la définition éloquente de l'église, mais il va écrire, c'est quand même terrible. Est-ce que l'église peut être à la fois le corps et le bâtiment? Ce n'est pas possible, c'est pour ça que je vous ai dit ici qu'il n'y a pas deux définitions de l'église dans la Bible. J'ai cité tout à l'heure Matthieu chapitre 16, la deuxième fois que la deuxième mention du mot église, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 18, où il parle de lorsque les gens ont des interactions ou bien des problèmes, qui partent se plaindre à l'église. Vous voyez très bien qu'il y a donc deux définitions qui vont dans le même sens. L'église, parce qu'en réalité, on a défini l'église comme étant l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés sur toute la terre. Oui. Voilà maintenant comment cette église-là se répartit sur la terre? Comment le culte se passe-t-il? Là maintenant, on touche dans l'église locale. Donc dans Matthieu chapitre 16, il est question de l'église universelle, pas catholique, l'église universelle. Donc, dont Jésus-Christ est le Seigneur. Et dans Matthieu chapitre 18, il est question de l'église locale dans les localités. Comment se présente l'église locale? L'église locale, on va y entrer en profondeur dans la prochaine émission parce que deux heures ne suffiront pas pour expliquer seulement ce que c'est que l'église locale. Parce qu'aujourd'hui, on voit effectivement, lorsqu'on a raté le plan de Dieu, on va commencer à construire les institutions humaines. Nous voyons effectivement que aujourd'hui, on voit quelqu'un a une vision. Il crée une entreprise, extampille le nom d'une église en sortant un verset biblique qui place maintenant, en mettant la croix et le sang quelque part, et puis la couronne est de l'autre côté. Maintenant, il peut construire ce bâtiment. Plus ça grandit, il met maintenant un ajout international là-dessus, au-dessus du nom, pour montrer que ça va aller worldwide, comme on dit en anglais. Mm-hmm. Après, maintenant, le lieu-là va devenir donc le quartier général. Quand le quartier général va faire maintenant, ça va être ce qu'on appelle en anglais le headquarter. Après ce headquarter, maintenant, tous les autres maintenant seront les branches. Vous voyez effectivement que à partir de ce lieu qu'on appelle headquarter, il va commencer à contrôler comme ça toutes ses filiales. Quand on va donner l'argent là-bas, les offrandes, les dîmes, et on va y revenir avec les offrandes. Évangéliste, on a un SMS. Bonsoir. Qu'est-ce qui constitue alors la maison de Dieu? Où doit-on la dîme, les offrandes, Esther, cité sikh? Donc, par rapport à la dîme et les offrandes, on va y revenir. Donc, pour qu'on ne trompe pas les chrétiens, les offrandes telles que ça se passe au milieu chrétien, c'est pas ce que la Bible enseigne. Les dîmes, c'est hors contexte. Donc, ça veut dire que la dîme, enfin, ce sont les dîmes dont on parle. On va en parler ici. Donc, les dîmes, c'est pas pour les chrétiens. Donc, on va y revenir dessus. Oui. Par rapport à la maison de Dieu, la Bible est claire que c'est la maison de Dieu, c'est nous, c'est les chrétiens. Si nous disons 1 Pierre, voyons, l'apôtre Pierre dit, c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Après, il continue le verset en disant, et si c'est pas nous que cela commence, que sera la fin des impies. Vous voyez, donc il vient de mettre la relation claire entre la maison de Dieu et nous. Il dit, la maison de Dieu, c'est nous. Dans le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare que Moïse a été fidèle comme fils, comme serviteur sur sa maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous, c'est pour nous. Nous, c'est pour les chrétiens, les enfants de chrétiens dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, la maison de Dieu, quand vous entendez, les gens disent que ne venez pas à la maison de Dieu les mêmes vides. Vous voyez, il faut délivrer les pasteurs. Ne venez pas à la maison de Dieu, on ne se vient pas à la maison de Dieu les mêmes vides. On a constitué maintenant les enveloppes, écrit les dîmes prophétiques maintenant sur ça, dîmes pour déclencher ta bénédiction, offrande des bénédictions, sacrifice qui fait mal au cœur, sacrifice qui fait déclencher les situations. Et on montre des gens, que les gens viennent faire le témoignage que l'année dernière j'ai eu du travail. Vous voyez comment on trompe les gens, croyant qu'avec l'expérience, que quand quelqu'un va témoigner, ça va pousser les gens à donner. Et les pasteurs savent que c'est faux. Ils ont ouvert l'entreprise pour faire que les gens souffrent comme ça pour donner de l'argent. Donc vous affirmez que la maison de Dieu n'est pas une maison physique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans le Nouveau Testament. Et dans cette émission, il va falloir également expliquer les différentes alliances, les deux alliances particulièrement, le fonctionnement de l'ancienne alliance et le fonctionnement de la nouvelle alliance sous Melchisédek. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous des prêtres sous Melchisédek. Maintenant, alors que dans l'ancienne alliance, il n'y avait qu'une classe de personnes, les lévites et les sacrificateurs, qui pouvaient servir à la tente d'assignation. Donc, ces deux alliances fonctionnent différemment. Et la conséquence est terrible sur beaucoup de fonctionnements aujourd'hui. Parce qu'on a hérité de beaucoup de choses. On a mélangé le paganisme avec des choses de l'Ancien Testament. Ça, c'est devenu un rituel païen pagano-satanique mélangé au milieu du christianisme. On a extampillé ça du nom de chrétiens. De telle enseigne que le fait que cela a duré des années et des années, c'est 1900 ans de fausseté comme ça dans l'église que nous sommes en train de parler. Donc ce n'est pas évident. Je comprendrai ceux qui ne comprennent pas maintenant que de toute évidence, il ne peut pas comprendre facilement. Donc la seule chose à faire, c'est que si quelqu'un aime le Seigneur, qu'il prenne sa Bible et qu'il vérifie dans la Bible si ce qu'on leur enseigne, si ce qu'on leur enseigne est biblique, qu'il croit. D'abord, un, si un pasteur m'écoute maintenant, qu'il sache qu'il n'y a aucun verset biblique, quel qu'en soit ce qu'il va dire, s'il a donné le nom à un endroit en disant que c'est l'église telle, il a déjà tout faux. S'il dit c'est l'église Bethsaida, qu'il dit c'est l'église de Jérusalem, les rachetés de Sion. C'est un type comme si on donnait le nom au corps du Christ. Au nom du corps du Christ. Et ça ne peut pas être le corps du Christ parce que le corps du Christ ne peut pas être de nombreux sur la terre. On ne peut pas les de nombreux. On ne peut pas... Il a dit vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas le bâtiment qui est le sel de la terre. Il a dit que le séjour des morts ne préviendront point contre son église. Or, il y a le tremblement de terre, les bâtiments s'effondrent. On voit effectivement comment ça se délabre chaque fois. Et on ne fait que fustiger l'église. Remarquez bien ce que le pasteur font, ce qui est mauvais. On fustige l'église en disant que venez donner l'argent qu'on construit l'église. C'est quand même curieux. C'est-à-dire qu'il y a des orphelins, des veuves, des estropiés, des gens qui souffrent dans l'église, dans le corps. Au lieu de leur donner de l'argent, puisque c'est à cela que l'argent sert, on leur demande plutôt d'apporter de l'argent pour qu'ils construisent ce qu'eux, ils appellent église. Vous voyez effectivement que c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, vous allez voir que maintenant, c'est la course maintenant, la compétition dans chaque ville, dans chaque pays, la course à la construction des grandes cathédrales. Là, certaines personnes sont en train de fuir le nom église, sachant maintenant qu'on a compris la chose, ils mettent maintenant cathédrale. D'autres mettent maintenant, chapelle. Ils oublient que chapelle vient du chapeau de Saint-Martin. On va y revenir ici dans cette émission-ci. Donc, les gens ont commencé donc à le fait qu'on a conçu ça en entreprise. Vous allez voir comment les gens, même les chrétiens se laissent soudoyer comme ça parce qu'ils ont vu, ils disent que Dieu est un grand Dieu, il faut qu'on lui construise un grand temple. Comme si construisait un grand temple, ça suffirait pour ce grand Dieu-là. Quel qu'en soit ce que l'industrie humaine pourra produire, ça ne pourra pas suffire à l'orgueil de Dieu. Quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit notre bonté, tout ce que nous pourrons produire avec notre argent, notre or, ça ne peut pas satisfaire parce que la Bible est claire, Dieu n'habite point dans les maisons faites de mains d'hommes. Un être humain n'est pas fait par un autre être humain. Parce que c'est Dieu qui l'a fait et Dieu désire habiter dans ce corps-là. Mais quelqu'un pourrait vous demander, quelqu'un pourrait rétorquer en disant que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre allaient au temple. Oui, enfin, sur la terre, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure qu'on va expliquer dans cette émission si l'utilisation du mot temple dans la Bible. Vous allez remarquer que Dieu n'avait agréé qu'un seul temple sur la terre et la Bible nous explique pourquoi le temple était sur la terre. Parce que le temple, c'était le lieu où Dieu avait fait résider son nom. Ce n'est que là-bas qu'il a agréé les offrandes et c'est là-bas que l'arche de l'Alliance s'est retrouvée. Quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti du temple dans Matthieu chapitre 11, dans Marc chapitre 11, les disciples lui ont fait remarquer la construction du temple, les pierres de l'édifice. Il a dit qu'il ne resterait pas pied sur pied, qu'il ne sera détruit. Effectivement, ça a été détruit en 70 avec Titus. Donc on voit effectivement que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ce temple sur la terre. Parce qu'en réalité, deux temples, ce qui est l'image et ce qui est le réel, ne peuvent pas subsister au même moment. Est-ce que vous comprenez? Donc ce temple a été détruit. Donc dans cette explication, on va venir effectivement le pourquoi ils entraient dans la synagogue, le pourquoi le temple avait été donné et à partir de quand le temple, quand ils ont été chassés du temple, qu'est-ce qu'en est devenu de l'adoration chrétienne? On va voir. Est-ce qu'on peut donc avoir un début de réponse évangéliste? Acte des apôtres. Avant d'aller à la prochaine question, parce qu'il y a une question que j'aimerais bien que vous nous expliquiez. Si l'église n'est pas le temple, c'est un corps, comment donc adorer Dieu et où l'adorer? Amen. Acte chapitre 2, nous voyons effectivement, Acte chapitre 2, c'est la défense. 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84, appel direct ou SMS. Oui. Acte chapitre 2, dans Acte chapitre 2, c'est la naissance justement de l'église, la manifestation physique de l'église de Jésus-Christ. La Bible déclare à partir du verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, vous voyez, ceux qui acceptaient sa parole, donc ceux qui ont cru, furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On voit effectivement, avant de répondre à la question, il y a tellement de choses ici d'ailleurs. Vous voyez effectivement, quelqu'un dit que je suis né, j'ai été baptisé quand j'étais enfant. Et la Bible déclare que ceux qui ont accepté la parole qui fut baptisé. Lui, on l'a baptisé, on l'a amené le baptisé, il n'était pas au courant. Tout ce dont il est courant, c'est qu'on l'a baptisé dans l'église, c'est une telle chose. Donc, il faut que seulement la repentance. La Bible déclare que le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et vous voyez effectivement, vous allez voir que c'est la même méthodologie que le Seigneur Jésus leur a donné dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites des nations des disciples baptisants. Vous voyez, dans Marc chapitre 16, il dit que prêche la bonne nouvelle, celui qui croira. Donc on prêche, vous écoutez, vous croyez, et puis on vous baptise. On ne baptise pas quelqu'un qui n'a pas cru, que quand il va grandir, il va pouvoir croire. Dans le verset 42, il dit, ils persévéraient, donc ceux qui avaient cru, et qui ont accepté, et qui ont été baptisés, donc qui sont devenus les disciples. Ils persévéraient, verset 42 de Acte chapitre 2, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et se ferait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient tous les produits avec selon le besoin. Ils étaient chaque jour, c'est ici le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. C'est les juifs ça, assidus au temple. Et ils rompaient le pain dans les maisons. D'accord. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, nous voyons effectivement que lorsque la transition a eu lieu, nous voyons, si nous sommes ici dans Actes chapitre 2, où le Saint-Esprit est descendu sur l'église, étant des bons juifs, ils vont continuer à aller au temple, plus tard on va les chasser du temple. La Bible déclare que c'est dans les maisons. Donc, on va développer ça tout au long de l'écriture dans les prochaines séances. D'accord. Il y a une question que je vous avais posée avant. Si l'église n'est pas le temple et que l'église est le corps du Christ, comment donc adorer Dieu? Où l'adorer? Oui. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ qui a eu une confrontation doctrinale avec une dénominationniste de son époque, la Samaritaine. Donc, dans Jean chapitre 4, nous allons voir cette confrontation avec le Seigneur Jésus-Christ et la Samaritaine. La Samaritaine va lui dire que vous dites que votre église, c'est chez les Juifs à Jérusalem. Notre parents disent que nous allons construire notre église sur cette colline-ci, pour ainsi dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout cela, ce sont les gabegies humaines, que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez, il a dit, il y a deux mots, en esprit et en vérité. L'esprit et la parole doivent être d'accord. Ça veut dire que si vous dites que vous fonctionnez selon le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit vous a donné la révélation, il faut que ça soit d'après la révélation des Écritures. Donc aucune révélation ne viendra contredire l'Écriture. Il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, vous parlez de l'adoration. En réalité, les chrétiens, le peuple chrétien, les vrais, les authentiques chrétiens sont les seuls peuples qui n'ont pas besoin d'un lieu d'adoration. Parce que le lieu d'adoration que Dieu a pourvu se trouve dans leur cœur. Ils entrent dans l'intimité, dans la rencontre de Dieu, dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin d'un endroit. Je peux prendre comme ça 5 ou 6 versets dans la Bible. Remarquez par exemple Étienne, lorsqu'il prie, lorsqu'on a de le taper, le tuer, Dieu exauce. Le ciel s'ouvre devant lui sans qu'il ne soit dans un lieu de prière. Alors qu'il était en martyr là maintenant. La Bible déclare que l'apôtre Paul avait été accompagné, en bordu des mains, il s'est mis à genoux, il a prié. Si on dit à quelqu'un de s'agenouiller, il s'est prié, il va dire que vous, qu'est-ce que vous en avez fait comme ça? Vous en avez fait comme les musulmans. Donc la Bible déclare, par exemple, dans Actes des apôtres, nous voyons effectivement dans la marche des apôtres, nous voyons effectivement que les lieux de rassemblement particulièrement étaient des maisons. Quand ils sortaient publiquement, c'est pour prêcher, pour amener les gens. Mm-hmm. Les lieux d'enseignement étaient dans des maisons. On n'enseignait pas dans le temple pour pouvoir faire les chrétiens là-bas. Parce qu'en réalité, les doctrines du temple, et c'est comme ça, c'est ainsi par l'écriture. Les doctrines de chaque temple sont différentes de la doctrine de la Bible. Mm-hmm. Et chaque fois quand la doctrine de la Bible sera prêchée, les gens sont en train de m'écouter maintenant. Beaucoup de personnes sont dans des temples faits des mains d'hommes maintenant. Et ils ont des vérités qu'ils désirent passer. Déjà, le système clergé laïque ne les permet pas d'entrer là-bas et parler. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, s'ils parlent là-bas, ils disent la vérité, on va les chasser de là. Parce que, en réalité, s'il y a un temple, il doit avoir une constitution de ce temple-là. Il y a une façon d'agir dans ce temple. Si vous voulez agir autrement, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui croit au baptême du Saint-Esprit, je dis, si il reçoit le baptême du Saint-Esprit dans un temple, on va le chasser là-bas. Parce qu'on va dire que les fous, c'est dans les autres asiles. Il ne peut pas accepter là-bas parce que le temps des miracles est passé, le temps du Saint-Esprit est passé. De les questions de rester dans le cadre des règlements intérieurs du temple. Intérieur du temple. Donc, alors maintenant, les deux choses, l'une, soit vous obéissez aux hommes et vous désobéissez à Dieu, ou bien vous obéissez à Dieu et vous quittez de là. C'est les deux voies. Merci à tous et à chacun de rester à l'écoute et surtout à vous qui venez de prendre le train en cours. Je rappelle que l'émission n'a plus que, je pense, 14 minutes pour finir et on attend vos questions, on attend vos messages au travers du 6 71 34 54 14, 6 91 60 02 84. Évangéliste Élie Bertrand, je reviens encore à vous. Oui. Toujours sur la question de l'église. Oui. Vous avez dit que l'église c'est le corps du Christ. Oui. C'est pas les temples faits des mains d'hommes. Comme la Bible le dit. Dieu n'est pas dans les temples. Alors où donc trouver ces personnes-là qui constituent l'église? Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est dommage qu'aujourd'hui, au milieu de l'entreprise chrétienne, on confesse cela en disant que je suis en haut, je ne suis pas en bas. Et c'est la terre, je suis non la queue. Mais ils ne vivent pas cela. Donc la vraie vie chrétienne, c'est les chrétiens sont reconnus par l'amour. C'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est la marque de cela. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est extrêmement rare parce que la religion a pris le dessus sur l'église. La religion a pris le dessus sur l'église. Les entreprises humaines ont pris le dessus sur l'église, mais ils sont là. Parce que le Seigneur Jésus a dit que les portes du séjour du monde ne préviendront point contre elles. Mais maintenant, la chose maintenant, c'est ceci. L'église ne vient pas frapper à l'œil nu, comme on peut voir. C'est la mondanité qui frappe comme ça. Ce sont les choses du monde qui reflètent comme ça. Remarquez que le Seigneur Jésus lui-même, il est né dans les tables, au milieu du monde comme ça, dans la saleté. Mm-hmm. Et les gens n'ont pas se reconnu qu'il était là. Il était dans une chair humaine. Dieu venant dans la chair humaine. Dans une chaîne méprisable, la Bible déclare qu'on pourrait, on pouvait cracher sur lui, on pouvait se détourner en le regardant, mais pourtant c'était lui le créateur, au milieu des hommes. De la même façon, l'église aujourd'hui se trouve mêlée ici, dans le monde, mais n'étant pas du monde. Et ils vivent la vie de Christ. Donc, c'est ceux donc qui vivent la vie de Christ. Donc, l'indication pour retrouver cela, c'est de voir, enfin, si vous ne pouvez pas voir cela, si vous ne connaissez pas la Bible, il ne s'agit pas de porter la Bible et de marcher. Il ne s'agit pas de prendre le corps clérical, de porter les toges pastorales, de porter les archbishops, les bagues pastorales et cléricales, les cardinaux. Ce n'est pas ça dont il est question. Il ne s'agit pas d'habiter dans les presbytères, dans les cadres, quoi, je ne sais pas comment, toute autre prison là. Il s'agit de vivre la vie de Christ. Et cette vie de Christ, c'est transcende les barrières sociales, raciales et ainsi de suite. Donc, toute personne qui vit la vie de Christ va avoir l'amour pour Dieu ardemment et l'amour, la charité pour des hommes. Jésus a dit, c'est ainsi que tous se reconnaîtront, donc vous êtes mes disciples. Donc, vous, j'espère que vous n'attendiez pas que je vous dise, par exemple, que cette église est située à tel endroit. Non. Jésus a dit que la marque... Parce qu'il y en a qui demandent souvent, votre église, c'est où? S'il dit comme ça, il faut d'abord le délivrer, parce que l'église, ce n'est pas un endroit. C'est ce que j'en ai dit. Et il ne peut pas devenir membre de cette église sans être né de nouveau. C'est qu'il va venir par une conviction personnelle pour pouvoir adhérer à un système. L'église n'est pas un système. L'église est un organisme vivant. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent la vie de Christ. C'est en ce sens-là que la façon des chrétiens, les authentiques chrétiens, les chrétiens d'après la Bible sont différents de toutes les autres religions. Les gens ont cru peut-être que Jésus est venu fonder le christianisme. On dit que Jésus est le fondateur du christianisme. Le Seigneur Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, c'est Dieu venant racheter son peuple à lui. Le christianisme n'est pas un système religieux fondé par Jésus. Non. Donc les chrétiens, la chrétienté véritablement, c'est la vie de Christ en soi. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il s'agit de oui ou non, Christ est en toi. Il ne s'agit pas que si tu as la connaissance de Jésus, si tu sais que Jésus est né de la femme vierge, ressuscité sous Ponce Pilate, ainsi de suite. Ça, ce sont des terminologies humaines. Il s'agit si oui ou non tu es né de nouveau. Parce que l'apôtre Paul dit dans Galates que ce qui est d'être quelque chose, c'est d'être né de nouveau, d'être une nouvelle créature. Si tu n'es pas une nouvelle, si tu n'es pas une nouvelle créature, sache ce que tu fais. Porte le blanc jusqu'à ce que tes dents soient blanches, tu vas aller en enfer. Ça, c'est simple. Un partisan de la religion catholique pourrait dire que Jésus qui a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et donc c'est cette église catholique. D'abord, et... même dans cette définition là, c'est écrit le mot grec là-bas, il y a Pierre, Petra et puis il y a Petro. Donc c'est deux choses différentes. Mm-hmm. D'abord, l'église n'est pas bâtie sur un être humain, parce que l'église est bâtie sur la révélation de qui est le Seigneur Jésus, si on en a ces versets là. Donc il ne s'agit pas de creuser. Vous voyez, le simple fait qu'on a donné la définition aujourd'hui de l'église comme étant l'ensemble des corps de tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus Christ, mais hors d'état de nuit. Et le Vatican, et de tout son système, et de ses acolytes, ses petites filles et ses filles. Les grandes. Bonsoir, filles. Pasteur, et merci pour vos enseignements. Et la lumière faite, si vous plaît, comment reconnaître les faux prophètes et pasteurs remplissant nos villes, voilà, qui nous mentent, voilà. C'est Christine, soyez bénie. En fait, cette personne, si vous comprenez effectivement que le Seigneur la bénisse et bénisse tous. C'est Christian, c'est un homme. Oui, Christian. Alors, Christian, il s'appelle Christian, donc un chrétien. Donc, Dieu veut que cette personne, si d'abord, revient à la Bible. Il y a un enseignement à la disposition, il peut contacter l'émission. On va lui donner l'émission en quatre séances, il peut comprendre effectivement comment discerner le faux du vrai par rapport au prophète. On ne peut pas entrer là-dedans. Mais la Bible déclare clairement, le Seigneur a donné le modèle dans Matthieu chapitre 7. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il a dit, est-ce qu'on peut cueillir la goyave sur le manguier? Si le manguier produit la goyave, il y a un problème. Vous-même, si vous venez sous un manguier, vous cherchez la main, vous voyez les goyaves là-bas qui sont tombés, vous saurez qu'il y a un problème. Donc, si vous allez vers un chrétien, vers un pasteur, vers un conducteur, vous voyez qu'il ne produit pas le fruit que les conducteurs doivent produire. Déjà que vous devez lire ce que c'est qu'un conducteur. Par exemple, si nous lisons les conducteurs de la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre adressant l'exhortation aux anciens, il a dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins de la souffrance, des souffrances de Christ. Percer le troupeau de Dieu qui sont sous les. Est-ce qu'on peut entrer dans les Écritures parce qu'il nous manque quelques minutes? Oui. Vous pouvez entrer dans les Écritures pour nous montrer, pour qu'on. Ok. Lisons donc dans ce 1 Pierre chapitre 5, puis on va lire aussi 1 Timothée. 1 Pierre chapitre 5, j'ai tenté de citer là. Dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible déclare, voici les exhortations que j'adresse. En fait, au sorti d'ici, on va toucher tout, parce qu'on ne peut pas toucher l'église sans toucher les chrétiens, sans toucher les dirigeants et tous les autres doctrines. D'accord. C'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois dans les autres émissions que les pasteurs, ceux qui sortent pour aller prêcher, ont besoin de se repentir. Pourquoi? Si on ne comprend pas le pourquoi, je disais, maintenant on peut bien comprendre. C'est parce que s'ils ne sont pas convertis de la bonne façon, ils sont allés chercher le recrutement. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les gens viennent à quoi? Quand les gens ils disent les gens ont donné leur vie à Jésus, déjà qu'on ne donne pas sa vie à Jésus. Quand les gens disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, la prochaine chose qu'on lui dit, c'est en venant à l'église dimanche, invite tes amis. Le but pour lequel on le fait, ce n'est pas par souci de l'âme, c'est par souci de la poche. Parce qu'on sait que si chaque personne en fait, est-ce que la vie à la vie? C'est pas possible. La Bible déclare que Christ est notre vie. La Bible déclare qu'il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Donc c'est Jésus qui donne sa vie pour les brebis. Nous prenons sa vie, il prend notre mort. Donc je ne sais pas quelle vie nous avons à lui donner. 1 Pierre chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, remarquez bien, anciens ici, c'est les dirigeants. On va revenir sur leur cas. Il faut qu'on les chicote avec la parole du Seigneur. Il dit, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui sont sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide. Vous avez vu? Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc le Saint-Esprit dit ici que les conducteurs, ceux qui disent, doivent être les modèles du troupeau. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, même les chrétiens eux-mêmes sont désarmés en disant que non, l'homme est faillible. Dieu a dit que non, que personne n'est venu sur la terre. Nul n'est saint. Ce sont les expressions qu'on entend. Et la Bible déclare que les modèles, ils doivent être les modèles du troupeau. Permettez-moi de lire encore titre là rapidement. Titre, j'espère que vous allez me permettre de lire dans cette émission. Allez-y, la fin. Pour ça, allez-y. Oui. Titre, le livre de Titre, prenons rapidement Titre, chapitre 1. Plus que 6 minutes avant la fin de l'émission, oui. À envoyer vos messages ou appeler pour poser des questions au travers du 671 34 54 14, 691 60 02 84. Oui, donc je lis Titre ici, puis je sors pour revenir rapidement dans l'église. Titre chapitre 1, verset 5 et 6 dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Vous avez vu? Des anciens dans chaque ville. « S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, irréprochable, voilà la première condition. Mari d'une seule femme. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont deux femmes, d'autres qui ont divorcé, ils continuent à enseigner, ça ne fait rien à l'église. Et on continue à prier pour eux, on dit que non, on prie pour eux. Et ils viennent prêcher encore en disant que Satan veut qu'il ne prêche pas, il va prêcher. Mm-hmm. Il lui faut la délivrance. Donc si quelqu'un, un pasteur, en train de m'écouter maintenant, il a un instant de divorce, la Bible le dit clairement qu'il est disqualifié pour prêcher. Parce que dans 1 Timothée, il dit que si quelqu'un ne sait pas. Allons-y là-bas, revenez rapidement. 1 Timothée, je vais lire rapidement. Regardez bien. 1 Timothée, chapitre 3, ici, verset 1 dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc, ce Christian qui nous pose la question en disant que comment faire les reconnaître. Il lit Titre, il lit 1 Timothée 3. Mmh. S'il ne voit pas cette marque sur les dirigeants, qu'il quitte rapidement. D'accord. Donc, la Bible déclare ici, verset 14 et 15, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais avant que tu saches afin que tu saches si je t'attends comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. Voici encore ça ici. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est à l'église qu'on doit connaître la vérité. Un païen, un musulman, un bouddhiste ou quoi que ce soit n'a rien à dire à l'église par rapport à la révélation de Dieu. Mm-hmm. Parce que Dieu réside dans l'église. Le Saint-Esprit réside dans l'église parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare dans 1 Timothée 3, je n'ai pas le temps de dire là-bas, que si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin du peuple de Dieu? Donc si un pasteur est divorcé, il est disqualifié pour prêcher. Si quelqu'un vit dans l'adultère, il est disqualifié pour prêcher. Si quelqu'un vit dans une autre, toute autre dérèglement, tel que c'est noté ici. Dans Titre chapitre 1, donc verset 6 dit, si s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. C'est terrible. Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Ce sont ces enfants des pasteurs qui sont les premiers. Vous avez les pasteurs aujourd'hui qui ont les enfants des anciens ont couché avec les enfants des autres anciens. C'est le petit amétisme. Ils sont de camp des jeunes pour pouvoir coucher entre eux. Et il y a même des pasteurs qui font que leurs enfants avoir parce qu'ils ne veulent pas que le scandale soit là. Mais Dieu, le Dieu de vérité, le Dieu de justice, va frapper. Il dit car il faut, verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable. L'évêque. Il faut que l'évêque. Pas l'archevêque, il faut que l'évêque. Il s'agit. L'évêque ici, en fait, quand nous lisons le verset 5, le verset 4, nous voyons effectivement que ce que la Bible appelle par ancien, c'est le même que évêque. Mais aujourd'hui encore, il dit bien, nous allons y revenir par rapport à cette typographie dans l'église. Nous voyons effectivement aujourd'hui qu'il y a les anciens seuls, les évêques seuls et les archevêques. L'archevêque ne se trouve même pas dans la Bible. Donc, si quelqu'un est archevêque, Dieu ne le connaît pas déjà pour commencer. En anglais, on appelle ça archbishop. Sur autre aussi, on appelle ça general overseer. Donc, il y a ce sont des dérives. Mais maintenant, avançons ici, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. C'est terrible dans les festins aujourd'hui. Ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La cupidité. Des prédications sont prêchées, c'est seulement autour de l'argent. Et on dit qu'il ne faut pas qu'il soit adonné à cela. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Mm-hmm. C'est ce que la Bible nous dit. Donc l'évêque, pour ces chrétiens et pour tous ceux qui se posent des questions, si quelqu'un n'enseigne pas la Bible comme la Bible l'enseigne, alors, écoutez ce que la Bible déclare, il faut quitter cette personne afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Voilà, merci évangéliste de cette définition. J'aimerais bien poser la question à savoir si l'église n'est pas un bâtiment. Oui. Que dis donc à ceux qui disent souvent mon église, j'ai 3, 4, 5 églises. Alors maintenant, ça montre clairement que Jésus-Christ ne le connaît pas parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 16, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tu es piège, je bâtirai mon église. Mm-hmm. Il faut qu'on entende, il y a le G et puis mon. Le G, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé, mon, c'est son église. Donc aucune personne fût-il Satan, ne peut avoir une église. Si Satan a une église, ce n'est pas l'église du Seigneur. Si un être humain, c'est pour ça que vous entendez les gens chassent les gens de leur église. Ils disent, tu ne viens plus ici dans mon église. Quand j'avais ma vision, tu étais là. C'est la dernière fois qu'ils voient que tu mets pied ici. Là. Quand j'ai dépensé l'argent ici, là, dans cette église, si tu étais là, on voit effectivement que c'est son entreprise. En fait, ils sait que s'ils disent l'entreprise, on va savoir effectivement que c'est grossier. C'est pour ça qu'il faut qu'ils mettent église. Mais en mettant toujours église, il est coupable parce que l'église qui est censée être bâtie, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des êtres humains. Et c'est dans ces cas-là, tu ne peux pas chasser quelqu'un du corps de Christ. Ce n'est pas possible qu'un être humain chasse un autre être humain du corps de Christ. C'est pas possible. Merci, évangéliste, de votre présence. On espère bien que la semaine prochaine, on sera encore ensemble. Nous allons entrer dans la profondeur pour voir la manifestation physique de l'église, comment ces gens qui ont été remplis du Saint-Esprit ont fonctionné et comment ils se réunissaient. Merci à tous et à chacun. Et restez surtout à l'écoute à jeudi prochain, 21h. Je suis Billy Cola. Evengé a assuré la mise en onde. Maintenant c'est la pause. On arrête tout et on écoute. Vous êtes sur Dynamique FM. Salut messieurs et dames, questions et réponses bibliques sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans des maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est anti-scripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il me faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu vas dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission.